Alors, est-ce que mon micro est allumé? Oui, mon micro a fini par s'allumer. Donc, bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lozion qui va bientôt nous rejoindre. Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre exploration scientifique avec Futur Simple. Et aujourd'hui, on va parler de musique. Ce sera à 18h30 justement avec Samuel Lozion et il nous parlera de l'effet de la musique sur le développement des enfants. Mais pour le moment, on va santé à la santé des lacs et en particulier au lac Masquinongé qui souffre d'eutrophisation. Alors d'où vient cette eutrophisation et comment peut-on y remédier? On va en parler avec Louis-Marc Bruno Dumoulin. Il est étudiant à la maîtrise en sciences géographiques à l'Université Laval. Bonjour Louis-Marc. Ton micro n'est pas allumé. J'ai un petit problème pour allumer mes micros ce matin, ce soir. Bonjour Louis-Marc. Bonjour Valérie. Donc Louis-Marc, on va plonger dans le lac Masquinongé, mais auparavant, j'aimerais qu'on parle de ton cheminement parce que avant d'entamer cette recherche, tu as fait carrière dans le cirque. Alors, que faisais-tu dans le cirque? Et j'aimerais savoir aussi comment tu es passé du cirque au lac Masquinongé, au monde de la recherche. Oui, effectivement, j'ai une formation de 11 ans en cirque et puis une carrière à temps plein pendant 10 ans. Et mes disciplines principales, c'était les équilibres sur les mains. Et ah oui. une discipline aérienne également avec ma partenaire Camille. Et ça m'a permis de voyager, performer à travers le monde et entrer en contact avec différentes cultures et réaliser mon premier rêve, mon rêve de petit gars de travailler au Cirque du Soleil. Et je fais encore du cirque à temps partiel, mais maintenant, j'ai transitionné dans le domaine de l'environnement. En fond, après 10 ans de tournée, j'avais envie de plusieurs choses, d'être plus proche de ma famille. Et aussi, j'avais une soif d'apprentissage au niveau intellectuel. Mm-hmm. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Parce que le cirque, c'est limitant au niveau physique à un moment donné. Donc, je me suis centré sur mes valeurs. J'ai toujours aimé être en nature. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont apporté en camping, en forêt. Mm-hmm. Et puis, en voyageant, j'ai aussi vu comment les choses se passaient ailleurs, comme la gestion des déchets, la gestion de l'eau. Il y avait des bons exemples, des moins bons exemples. Et donc, mes valeurs environnementales ont grandi peu à peu et j'ai commencé un bac en environnement à l'Université Laval. Et c'est là que j'ai rencontré ma superviseure de recherche maintenant, Émilie Saulnier-Talbot. Mm-hmm. Et elle a vu mon intérêt pour les sciences aquatiques et elle m'avait demandé si je voulais faire une maîtrise. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout pensé à faire une maîtrise. J'ai croyé que j'étais un peu trop vieux pour commencer une maîtrise, mais je suis vraiment content d'avoir changé d'avis, d'avoir entamé cette maîtrise et poussé mes connaissances dans les sciences aquatiques. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est de contribuer à la protection de l'environnement. Mm-hmm. D'accord. Donc maintenant, tu t'intéresses, comme je le disais, à la santé du lac Masquinongé. Est-ce que tu peux nous situer? En fait, il est où ce lac? Oui, en fait, c'est un petit lac qui est relativement profond, qui se situe à Mont-Tremblant. Mm-hmm. Il est entouré de petites montagnes, une zone agricole et il y a environ 90 personnes qui vivent au pourtour du lac. OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de problème de particulier ce lac? C'est un lac qui a subi plusieurs pressions humaines qui ont dégradé la qualité de l'eau et la ville de Mont-Tremblant veut le restaurer. Et comme plusieurs autres lacs au Québec, il a subi une eutrophisation. Mm-hmm. Donc, l'eutrophisation, c'est d'abord un phénomène qui est naturel. Au fil du temps, les lacs vont s'enrichir progressivement en nutriments, principalement l'azote et le phosphore, surtout. Et ça va entraîner une croissance continue d'algues microscopiques et de plantes aquatiques. Et l'eau va devenir de plus en plus trouble avec les années. Mais ça va s'échelonner sur plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années en conditions naturelles. Mm-hmm. Par contre, avec les activités humaines, on peut accélérer cette eutrophisation en apportant des sources de nutriments au lac via les cours d'eau. Et on va souvent qualifier cela comme un vieillissement prématuré d'un lac. Et donc, l'eutrophisation peut se faire seulement en quelques dizaines d'années. Mm-hmm. Et ce qui est important à comprendre, c'est que l'apport en nutriments dans les lacs n'est pas souhaitable pour les usages humains. Ça entraîne une détérioration de la qualité de l'eau. Et on a quelques catégories pour décrire le degré d'enrichissement des lacs en nutriments. On va avoir des lacs oligotrophes, donc ils vont être très pauvres en nutriments, peu d'algues. C'est des lacs qui vont être très bien oxygénés et c'est des lacs qui sont très clairs, donc on peut voir profondément. Ouais. On a aussi des lacs mésotrophes, donc qui vont être moyennement riches en nutriments, et des lacs eutrophes qui vont être très riches en nutriments. Il va y avoir beaucoup d'algues et de plantes aquatiques, et le fond du lac va souvent être moins bien oxygéné. L'eau va être trouble et avoir une couleur verdâtre. Et ça, c'est signe d'une détérioration de l'eau. Et c'est ce qu'on voit au lac Masquinongé présentement. Et ça, donc ces lacs sont, eutrophisés? Oui. Donc, c'est eutrophisé. Donc, je comprends qu'il va y avoir des nutriments, il va y avoir de l'eau trouble. Est-ce que c'est un problème juste esthétique parce qu'en tant qu'humain, on aime mieux voir de l'eau claire, se baigner dans de l'eau transparente? Ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Je ne sais pas, par exemple, des problèmes pour la santé humaine ou des problèmes pour les diverses activités qu'on peut faire. Donc, est-ce que c'est juste esthétique ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Il y a vraiment d'autres problèmes. En fait, je dirais que l'eutrophisation, c'est la problématique première au Québec et aussi mondialement pour la gestion des lacs. Il y a plusieurs conséquences à l'eutrophisation. On a souvent entendu parler des floraisons d'algues bleu-vert, aussi appelées des cyanobactéries. Et c'est des espèces qui sont mieux adaptées aux conditions eutrophes. Et certaines d'entre elles peuvent produire des toxines. Et donc, c'est particulièrement inquiétant pour les lacs dont puise l'eau potable, ce qui n'est pas le cas du lac Masquinongé, mais à des taux élevés de toxines. On va aussi devoir interdire la baignade et les animaux peuvent être malades s'ils consomment l'eau. Il y a aussi le surplus de phosphore dans l'eau peut aider certaines plantes exotiques envahissantes à prendre de plus en plus de place dans les lacs. Donc, c'est le cas du myriophylle aipi dans le lac Masquinongé et dans plusieurs autres lacs au Québec. Et ça va réduire l'accès à la baignade tellement il y a d'algues, parfois là, sur plusieurs mètres de la berge. Ah ouais. Et aussi, certains types de poissons comme l'ombre de fontaine, la truite qu'on aime bien, qui ne peut pas survivre dans des eaux moins bien oxygénées comme celles des lacs eutrophes et à des niveaux très élevés d'eutrophisation au-delà de ce qu'il y a au lac Masquinongé. Ça peut faire en sorte que la valeur des habitations baisse en raison de la mauvaise qualité de l'eau. Donc, c'est vraiment un problème qu'il faut gérer rapidement. Il est plus rapide de dégrader un lac que de le restaurer. Ouais. Donc là, tu disais, Louis-Marc, que cette eutrophisation, elle peut être naturelle ou... Parce que c'est un phénomène qui existe naturellement, oui, mais qui se développe sur des milliers d'années. Si exactement, centaines de milliers d'années. Alors que là, c'est quand même accéléré par la présence humaine. Donc, il y a aussi une cause humaine. C'est quoi les causes possibles, la différence en fait, entre les causes naturelles et les causes humaines? Oui, en conditions naturelles, il y a peu de phosphore et peu d'azote qui vont se rendre au lac. Ils proviennent principalement de l'érosion des roches et du sol. Mais l'eutrophisation d'origine anthropique ou humaine, il va avoir plusieurs autres sources. Donc, premièrement, l'agriculture intensive, il va avoir une utilisation excessive d'engrais. Aussi, les excréments d'animaux contiennent beaucoup de phosphore et d'azote. Donc, lorsque les animaux ont accès directement au cours d'eau, les nutriments se rendent facilement au lac. Et il y a maintenant des règles pour contrôler ce problème. On va généralement avoir des bandes riveraines ou des bandes de végétation terrestre qui servent à absorber les nutriments avant qu'ils se rendent dans le milieu aquatique. Il va y avoir un problème si les bandes de végétation ne sont pas en bonne qualité. Il y a aussi les eaux usées humaines, parce que dans les excréments humains, il y a aussi beaucoup de phosphore et d'azote. Et quand les fosses septiques, par exemple, sont non conformes, trop vieilles ou non efficaces, il va y avoir une partie des nutriments qui ne sera pas complètement dégradée par les bactéries. Et ces nutriments vont pouvoir se rendre jusqu'au lac et encourager la croissance d'algues et d'algues bleu-vert. Il va aussi avoir des effets liés à l'urbanisation. Il y a de plus en plus de surfaces imperméables comme l'asphalte qui fait en sorte que l'eau va moins s'infiltrer dans le sol. Ça, c'est un problème parce que le sol va absorber une grande partie des nutriments. Et donc, au lieu de s'infiltrer, l'eau va ruisseler en surface et transporter les nutriments ou d'autres polluants directement dans les cours d'eau. Il y a aussi des effets liés aux coupes forestières. Par exemple, si les techniques ne sont pas adéquates, parce qu'il y a plusieurs manières de faire une coupe forestière, eh bien, si c'est pas adéquat, ça peut augmenter l'érosion et l'apport de nutriments. Et comme je le disais tantôt, l'eutrophisation fait en sorte qu'il y a moins d'oxygène, particulièrement dans le fond de l'eau. Et le réchauffement climatique va venir empirer ce problème parce qu'en général, lorsque l'eau est plus chaude, il va y avoir moins d'oxygène dans le fond des lacs. Et ça, c'est une problématique parce qu'une partie du phosphore qui est enfoui dans les sédiments au fond des lacs qui va être libéré dans l'eau. Et donc, à partir de ce moment, le phosphore ne provient pas seulement des activités humaines externes au lac, mais aussi de sources internes au lac. Ah, ouais. Oui, et ça, on a beaucoup moins de contrôle là-dessus. Ah, ouais, ouais. Donc, toi, ton projet de recherche, c'est d'étudier l'eutrophisation au lac Maskinongé, de distinguer ces différentes causes humaines et naturelles, de connaître la contribution humaine, finalement, à l'eutrophisation du oui, lac? Oui, exactement. Je veux savoir à quel point les activités humaines ont dégradé la qualité de l'eau du lac et aussi quelles étaient les conditions naturelles du lac avant que les colons européens arrivent dans le bassin versant du lac. Et donc, parce qu'il est possible qu'un lac soit naturellement eutrophe. Donc, on ne peut pas tasser cette possibilité-là et c'est ça qu'on veut vérifier. Puis là, souvent, donc en fait, il s'agit de remonter dans le temps et souvent, en fait, plusieurs personnes qui sont déjà venues à ce micro, qui ont parlé d'études pour remonter un petit peu dans le temps, qu'est-ce qui se passe dans le sol ou dans les lacs. Et généralement, ils font des carottes. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es aussi allé plonger au fond du lac ou en tout cas, ou avec une différente manière, aller chercher des carottes au fond du lac? Effectivement, on va aller récolter des carottes sédimentaires au fond du lac. On veut remonter dans le temps parce qu'en règle générale, on a seulement des données sur la qualité de l'eau des derniers 20 à 30 ans. Et pour pallier au manque de données, on va utiliser une approche qui s'appelle la paléolimnologie. Et j'en reviens aux carottes un peu plus tard. Donc, la paléolimnologie, c'est un mot qui fait peur au premier abord, mais je vais le décortiquer. Mm-hmm. Donc, la limnologie, c'est tout simplement l'étude des eaux douces, principalement des lacs. Et paléo signifie passé. Donc, avec la paléolimnologie, on va étudier le passé des lacs. Et j'aime bien décrire la paléolimnologie comme l'écriture d'un livre sur l'histoire d'un lac. Parce que chaque couche de sédiments qui s'accumule au fond des lacs au fil du temps contient en quelque sorte une page de l'histoire du lac. Et ces sédiments conservent des indices qu'on appelle indicateurs, des conditions environnementales passées. Mmh. Et donc, comme tu l'as dit, la première étape à faire lorsqu'on fait une étude paléolimnologique, c'est d'aller rechercher une carotte sédimentaire au fond du lac. Et donc, ça, on fait cela avec un carottier. On a la tête du carottier qui est fait en métal et on va y insérer un tube en plastique épais d'un diamètre d'environ 7 à 10 cm. La longueur du tube va dépend des objectifs de la recherche, mais pour moi, c'était environ 60 cm. Et tout ça est attaché après une corde et on va laisser descendre le carottier dans le fond du lac et avec la gravité, le tube va pénétrer dans les sédiments. Et une fois que c'est fait, que c'est ramené à la surface, on rapporte la carotte au laboratoire et on va souvent la couper à chaque centimètre et faire des sous-échantillons pour nos analyses. D'accord. Est-ce qu'on est capable visuellement de voir ces différentes couches sédimentaires? Oui, effectivement, c'est parfois possible de voir des différences de couleurs ou aussi de texture. De granulats? Effectivement, la granulométrie. Ouais. D'accord. Bon, il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on ne voit pas à l'œil nu et qu'on doit analyser avec des équipements, des techniques plus sophistiqué que nos yeux nus. Et j'imagine que comme l'idée, c'est de remonter dans le temps, bah, faut pouvoir dater. Donc, quelle est la technologie pour dater ces différentes couches de sédiments? Eh bien, il y a des isotopes qu'on peut utiliser pour cela. Et sans aller dans les grands détails, on a l'isotope de plomb 210 qui va servir à dater les 150 premières années. Après, on a l'isotope du carbone 14 qui va dater au-delà de 400-500 ans. Et on a aussi un isotope que je trouve assez intéressant. C'est le césium-137. C'est un isotope artificiel qui provient des activités nucléaires. Donc, on sait que les activités nucléaires ont commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait aussi que le pic d'essais nucléaires dans l'atmosphère a été atteint en 1963. Et cela a laissé des dépôts de césium-137 un peu partout à travers le monde. Et en regardant dans notre carotte, on va détecter un pic d'activité nucléaire et on va savoir, par exemple, 10 cm, ça équivaut à 1963. Ah, d'accord. On a vraiment un marqueur qu'on connaît là, de par l'histoire récente de l'humanité. On sait qu'il y a un marqueur là. C'est daté, ça, par l'histoire, ça. Exactement. Ouais. Et c'est en utilisant ces trois marqueurs qu'on va avoir un degré de confiance pour vraiment positionner dans le temps les changements environnementaux qu'on va détecter dans les carottes. Donc ça permet de graduer finalement la carotte, de mettre des dates sur le long des différentes couches qu'on peut voir. Mais après, si on revient à l'eutrovisation, toi, tu veux pouvoir mesurer les quantités de phosphore, j'imagine, dans ta carotte, là, pour savoir si le lac était déjà eutrophe. Si le lac était déjà eutrophe avant l'arrivée des colons ou de l'implantation autour du lac. Exactement. Le problème, c'est que c'est pas possible de mesurer directement le phosphore dans les sédiments. Donc, on doit utiliser ce qu'on appelle des bio-indicateurs qui vont nous renseigner sur les conditions environnementales passées. Alors, moi, j'étudie particulièrement un groupe d'algues microscopiques appelé diatomées. Et les diatomées sont très abondantes dans presque tous les écosystèmes aquatiques et ce sont des bons bio-indicateurs parce qu'elles vont réagir rapidement à des changements, par exemple, dans le pH de l'eau, dans la température, la salinité et les concentrations en phosphore dans l'eau. Donc, par la présence, l'absence, l'abondance ou la rareté de certaines espèces, on va être capable d'inférer la qualité de l'eau à différentes périodes de l'histoire du lac. Et il existe des modèles statistiques pour passer des diatomées aux concentrations en phosphore. D'accord. Donc là, tu as les dates, tu as les concentrations en phosphore. Est-ce que tu peux aller chercher d'autres informations à partir de tes carottes? Oui, il y a vraiment plusieurs indicateurs qu'on peut utiliser. Dans le cas de mon étude, un indicateur très important pour étudier les processus d'érosion, c'est la taille des particules de sédiments, donc la taille des grains de sable et d'argile. Et ça m'a aidé à identifier un moment marquant dans l'histoire du lac Maskinongé. Donc tout d'abord, je vais vous faire une petite mise en contexte. En agriculture, c'était une pratique commune de linéariser un cours d'eau, c'est-à-dire de le rendre plus droit. On va supprimer les courbes naturelles du cours d'eau parce que normalement, un cours d'eau, c'est sinueux. Et le fait de le rendre droit, ça va améliorer le drainage des terres agricoles et on va parfois même élargir et creuser les cours d'eau, mais cela a des conséquences. Quand un cours d'eau est sinueux, le courant, le débit de l'eau, il est faible parce que l'eau va rencontrer des obstacles à chaque tournant du cours d'eau, tandis qu'en rendant un cours d'eau linéaire, on crée en quelque sorte des autoroutes pour l'eau. Et donc, sans obstacle, le courant ou le débit de l'eau va être beaucoup plus rapide et va réussir à arracher des grosses particules de sol sur son chemin et les apporter au fond du lac. Donc, en étudiant la taille des particules de sédiments dans une carotte sédimentaire, on peut identifier des périodes où il y a eu plus d'érosion. Donc, plus les particules sont grosses, plus il y a eu d'érosion. D'accord. Et donc là, finalement, quand tu croises toutes tes données, donc de datation, d'érosion, de phosphore, qu'est-ce que ces carottes te racontent sur l'histoire du lac? Oui, ils m'ont raconté beaucoup d'informations, mais avant, je voudrais te partager aussi qu'on va souvent croiser avec des données historiques. J'ai utilisé aussi des photos aériennes anciennes. Et pour l'histoire de la linéarisation du cours d'eau, j'ai pu remarquer en quelle année les travaux avaient été faits, parce que c'était pas documenté. Et j'ai aussi pu voir quand est-ce qu'il y a eu des coupes forestières, quand est-ce qu'il y a commencé à avoir des gens autour du lac. Donc ça vient vraiment renforcer mes hypothèses. Pour voir s'il y a des corrélations entre s'il y a eu beaucoup de coupes forestières ou beaucoup d'agriculture, s'il y a des corrélations avec ce que tu trouves dans les carottes. Exactement. Et avec tous les autres indicateurs qu'on a discutés, j'ai pu séparer l'histoire du lac en trois périodes distinctes. Donc, des années... Ma carotte a daté jusqu'à l'année 750. Ça fait une semaine que je le sais. Donc, très vieille, plus vieille qu'on pensait. Donc, des années 750 à 1870, les conditions environnementales étaient assez stables. Donc, les diatomées montrent que le lac était probablement oligotrophe, peu d'algues, donc une eau de bonne qualité. Et puis, entre les années 1870 et 1970, donc 100 ans, il y a eu une augmentation graduelle de phosphore en lien avec les coupes forestières et surtout l'agriculture intensive avec l'événement important de la linéarisation du cours d'eau que j'ai pu situer à environ 1950. Et à partir de 1970, il y a eu une augmentation exponentielle de phosphore qui est liée à l'utilisation excessive de fertilisants, comme un peu partout au Québec. Il y a eu beaucoup d'élevages d'animaux qui avaient accès aux cours d'eau, donc le manque de bandes de végétation aussi. Et les eaux usées des fosses septiques qui n'ont pas toujours été conformes. Et ici, je tiens à dire qu'il y a plusieurs autres lacs qui ont subi des perturbations semblables. C'est pas propre au lac Masquinongé, à Mont-Tremblant. C'est vraiment une problématique qui est généralisée. Et aussi, avec l'étude des diatomées, j'ai pu voir que depuis 1970, il y a un effet du réchauffement climatique qui, malheureusement, vient empirer l'eutrophisation. Donc oui, l'eutrophisation est vraiment d'origine humaine dans ce cas, mais il y a aussi l'effet indirect du changement climatique. Et aujourd'hui, l'agriculture est plus biologique. On a remplacé certaines fosses septiques. On essaie d'améliorer la qualité de l'eau, mais ça va prendre du temps et beaucoup d'efforts parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de phosphore qui provient des sédiments dans le fond du lac, comme je l'expliquais un peu plus tôt, donc un grand défi. Est-ce que malgré tout, il y a des solutions? En fait, est-ce que les résultats que tu as obtenus, est-ce que ça donne des pistes de solutions pour remédier à l'eutrophisation du lac? Oui, effectivement, il y a plusieurs pistes de solutions. Comme la linéarisation du cours d'eau a eu un grand impact, eh bien, premièrement, rendre le cours d'eau sinueux à nouveau réduirait l'érosion et l'apport de nutriments au lac. Aussi, continuer d'améliorer les fosses septiques et les bandes de végétation autour du lac. Aussi, une très bonne solution serait de créer un marais filtrant entre le lac et les terres agricoles, parce que les marais peuvent filtrer les nutriments et capter les sédiments avant qu'ils ne se rendent au lac. Ça permettrait une meilleure qualité de l'eau. Et quand cela sera fait, il y a aussi des solutions pour gérer les sources internes au lac. Au Québec, ça n'a pas été beaucoup utilisé, mais en Europe et en Australie, on utilise un traitement à base de lanthane, qui est un élément du tableau périodique qu'on va mélanger avec une argile, et ce traitement va forcer le phosphore à rester dans les sédiments, donc à ne plus être lâché dans l'eau, même quand il y a peu d'oxygène. Et j'ai suivi des conférences où des chercheurs ont étudié l'impact du traitement sur la biologie et c'était très minime, donc très prometteur pour la gestion des lacs. Mais bien sûr, cela a un coût et il n'y a vraiment aucune solution miracle. Par exemple, si le problème d'érosion n'est pas contrôlé, eh bien, ça se peut que le problème... Le traitement risque d'être enterré par de nouveaux sédiments et donc d'être moins efficace. Et donc, en bref, la morale, c'est d'être préventif le plus possible. Plus on attend, plus c'est compliqué, plus c'est cher de restaurer un lac. Mais on a la paléolimnologie qui permet d'orienter les stratégies de restauration et j'ai hâte de discuter à nouveau avec la ville pour voir qu'est-ce qu'on peut y trouver. Oui, et puis j'imagine que ces solutions-là pourraient s'appliquer à d'autres lacs qui souffrent des mêmes maux. Exactement. Donc, merci beaucoup de m'avoir offert cette plateforme pour sensibiliser. J'espère que... Je suis sûre qu'il y a des lacs dans la région qui ont ce problème-là, des lacs alentour de Québec qui ont ce genre de problème. Oui, il y en a. Alors, c'est à moi de te remercier, Louis-Marc. C'était vraiment très intéressant de nous faire cette plongée dans le lac Masquinongé. Merci beaucoup. Merci, Valérie. Nous étions en compagnie de Louis-Marc Bruno Dumoulin, qui est étudiant à la maîtrise en sciences géographiques à l'Université Laval. On va faire une petite pause sur CKRL. On va écouter La Rivière Noire de Marabout. Et au retour, après la pause, eh bien, nous serons en compagnie de Samuel Lozon qui nous parlera de l'effet de la musique sur le développement du cerveau des enfants.